France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'intervention de la France en Libye avec notre invité Jean-Christophe Notin. Bonjour. Bonjour. Collaborateur à l'Express, spécialiste des questions militaires du 20e et 21e siècle. Vous vous êtes notamment intéressé aux opérations menées par la France, en Libye bien sûr, mais aussi en Afghanistan, au Mali. Un rapport du Parlement britannique accusait Nicolas Sarkozy d'avoir pris la décision d'intervenir en Libye pour accroître l'influence française en Afrique du Nord. Bon, ça on comprend à peu près ce que ça veut dire. Et améliorer sa situation politique en France. Que voulait dire ce rapport du Parlement britannique? Qu'est-ce que ça interroge, ça? Améliorer sa situation politique en France? Alors, le rapport lui-même est un effort louable de la démocratie anglaise de s'interroger sur des opérations, ce qu'on ne fait jamais en France. Après, pour moi, personnellement, c'est un avis tout à fait personnel, je l'ai pris quand même comme une entreprise de dédouanement de la part des Anglais, qui sont, à vrai dire, au moins sur le lancement de l'opération, tout aussi responsables que les Français. Et même plus, quand on revoit toute l'époque, David Cameron est beaucoup plus allant que Sarkozy. Donc c'est un peu aussi une manière de mettre sous le tapis leur propre responsabilité. Alors après, évidemment, il faut s'interroger sur la part de Nicolas Sarkozy dans cette opération, ça c'est un autre sujet. Alors, plus exactement, c'est un autre sujet, mais on y viendra quand même. Concernant les motivations britanniques, vous dites oui, c'est pour se dédouaner, et vous me dites parce que eux, ils étaient vraiment à fond. Racontez-nous ça. C'est ce qu'on oublie toujours, on a tendance à porter uniquement la responsabilité de l'opération Harmattan, donc sur Nicolas Sarkozy, on oublie qu'en fait, l'opération a été déclenchée grâce au duo Sarkozy et Cameron, et ce qui permet d'ailleurs beaucoup de mettre en perspective les vraies raisons, enfin les raisons qui ont déclenché cette opération. Allons-y justement. Puisqu'il faut des raisons forcément communes. On imagine mal David Cameron suivre Sarkozy à 100% sur n'importe quelle raison. C'est forcément qu'ils ont partagé ou une vision du théâtre ou des intérêts communs. Donc ça remet en perspective certaines des raisons qu'invoque d'ailleurs ce rapport, de manière d'ailleurs fort peu délicate de la part de nos amis anglais. Alors c'est quoi les motivations des deux? Le rapport met en évidence une écoute, on va dire, entre un conseiller de David Cameron et donc un agent des services de renseignement français. C'est assez, quand même assez indécis. Et donc, ils nous font une liste de ces différentes raisons, pointant des raisons géopolitiques, la présence de pétrole, l'influence de la France dans le monde, et donc des raisons plus personnelles, vraiment sur Nicolas Sarkozy, dans son rapport avec Kadhafi, ou dans les bénéfices qu'il pourrait tirer d'une intervention dans sa popularité, sa cote de popularité en France. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, pour le président français de l'époque, de compenser l'humiliation qu'a constitué la venue de Kadhafi en France en 2007? Alors, on l'a beaucoup dit. C'est pour moi une vision, que je dirais, infantilisante, pour dire des choses, des déclenchements des opérations en France et dans le monde. On a quand même du mal à imaginer un président arriver à motiver toute une armée, toute une administration, et donc David Cameron, et donc ensuite l'Europe et l'ONU, à déclencher une opération uniquement sur une propre humiliation qui, au demeurant, est à mettre en perspective avec les humiliations que Kadhafi a infligées à différents chefs d'État. On oublie toujours, certes, il a été reçu dans la pompe à Paris, mais Kadhafi a été reçu là exactement de la même façon, même en pire, à Madrid et à Rome. Et de la même façon, Berlusconi a pris une rebuffade complète sur le point de vue différents contrats, et on n'a jamais dit Berlusconi a voulu partir en guerre contre Kadhafi pour une raison d'humiliation. Donc c'est pour moi voir les choses, comment dire, personnifier les choses à outrance. Ça a peut-être compté dans la motivation de Nicolas Sarkozy déclencher cette opération. Mais pour moi, ça ne peut pas être la raison centrale. Alors, il y a une autre raison qui pourrait être invoquée aussi, à cause des soupçons de financement de campagne électorale. Je dis bien des soupçons, financement présumé, occulte présumé, hein, parce que l'affaire n'est pas jugée. Ça rentre en ligne de compte, ça aussi, non? Alors là, vraiment, je n'ai aucun argument. Je ne peux avoir qu'un petit avis tout à fait personnel. Et j'ai toujours trouvé que de la part de Nicolas Sarkozy, au contraire, ça aurait été un argument de ne pas déclencher cette opération, parce qu'il aurait pu se penser que les Kadhafi, la première chose qu'ils allaient faire, c'était de sortir ces fameux documents prouvant Bon, alors après, une fois de plus, je n'ai strictement aucun élément là-dessus, donc je ne peux me fier qu'au résultat judiciaire, s'il y en a un jour, de cette affaire. Bernard-Henri Lévy, quel rôle il a joué réellement ? Alors, nous sommes dans le deuxième volet d'une interprétation que je trouve très abusive de cette campagne. Il a joué un rôle évident de promotion, mais vis-à-vis des médias, beaucoup plus que sur Nicolas Sarkozy. Il a eu toujours tendance, et les médias, la presse en général, a eu tendance à dire que l'opération était déclenchée parce que BHL est allé le dire à Nicolas Sarkozy. On oublie toujours qu'au contact des Libyens, et en permanence durant ces 7 mois, et même un petit peu avant, il y a eu les diplomates français, il y a eu la DGSE, il y a eu les forces spéciales qui étaient là en permanence, qui alimentaient en permanence le pouvoir. Donc en fait, BHL n'est venu que conforter à la limite une vision que tous ces services envoyaient à Nicolas Sarkozy. Bien, on va sortir alors de la petite histoire et des personnages pour entrer dans la grande, si je puis me permettre. Donc les raisons géopolitiques d'intervenir en Libye, quelles sont-elles et quelle est la pertinence de ces raisons ? Pourquoi, un moment, un pays qui s'appelle la France, avec l'Angleterre, décide d'intervenir en Libye? Alors, il faut bien voir que la Libye n'est pas une zone traditionnelle d'intervention, d'influence française. Hein, ça a toujours été extérieur au précaré français. Alors, j'ai cherché toutes les raisons. On a beaucoup invoqué, évidemment, le pétrole, qui est un peu la marotte de tous les experts. Dans tous les conflits, on sort la raison pétrolière. Il se trouve qu'en Libye, le scoop n'est pas sur le fait que Kadhafi avait déjà décerné tous les marchés à toutes les entreprises, donc c'était fait. Mais vous avez tous les dirigeants des entreprises françaises concernées par ces contrats qui ont fait le pied de grue devant le bureau de Nicolas Sarkozy pour surtout le dissuader d'intervenir. Les contrats étaient faits. Donc il disait surtout, monsieur le président, n'y allez pas. Kadhafi, la première chose qu'il a à faire, c'est remettre en cause tous ces contrats. Donc, personnellement, j'ai toujours écarté cette raison ou pétrolière ou géopolitique. La raison, pour moi, qui est restée vraiment in fine au bout de mon analyse, au bout de toutes ces entrevues, j'ai quand même eu la chance de rencontrer absolument tous les acteurs de cette opération, de déclenchement. Pour votre livre, votre enquête, absolument. Donc vous pouvez faire quand même à la fin une espèce de dénominateur commun de la raison. Et la raison vraiment centrale qui ressort, c'est la raison de la crainte de Nicolas Sarkozy de laisser la trace dans l'histoire, surtout à un an de l'élection présidentielle, de la commission d'un massacre, ou que ce soit à Benghazi ou en Syrie. Il a eu beaucoup peur que Kadhafi, dans la folie qu'il lui prêtait, commette un massacre en Cyrénaïque. Un massacre que les Français n'auraient pas empêché alors qu'ils en avaient les moyens. Donc c'est une intervention humanitaire ? En quelque sorte, oui, oui. La raison vraiment centrale, je dirais le moteur central, l'impulsion centrale, première, ce serait d'empêcher un massacre. D'ailleurs, il suffit d'écouter le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alain Juppé, pour s'en convaincre. Bonsoir Guillaume Daret. Le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé a été clair, la France est prête pour une intervention. Tout est prêt pour une intervention. Ce sont les mots d'Alain Juppé prononcés ici à Matignon. Tout est prêt. Mais la réunion qui s'annonce absolument décisive, évidemment, selon les termes même du ministre des Affaires étrangères, c'est cette réunion demain à Paris, à l'Elysée, un sommet Union européenne, Ligue arabe. Décisive cette réunion parce que les décisions, les annonces des officiels libyens qui évoquent un cessez-le-feu seront examinées d'extrêmement près. Décisive aussi, Laurent, parce que la France souhaiterait associer des pays de la région à cette intervention. Pas question, en revanche, Paris l'a rappelé aujourd'hui, que l'OTAN y participe. Alain Juppé, qui était ici à Matignon cet après-midi avec François Fillon, il a rencontré le président du Sénat, de l'Assemblée, les responsables des groupes parlementaires pour les informer de la situation. Et c'est vrai qu'à la sortie, on a senti un vrai consensus politique. Le socialiste Jean-Marc Ayrault a salué une décision courageuse dans le vote de la résolution. Pour François Bayrou, il s'agit d'un succès diplomatique pour la France. Jean-Christophe Notin, quel a été le rôle de la France sur place? Est-ce qu'elle a vraiment dirigé les opérations dès lors qu'elles ont commencé en Libye? Oui et non. La France amorce les opérations. Ce sont ces chasseurs-bombardiers qui frappent les premiers. Ensuite, les Américains jouent un rôle considérable qui a été complètement oblitéré pendant une dizaine de jours. C'est eux qui frappent la Libye, qui détruisent tous les systèmes solaires indispensables au début de la campagne. Donc ils jouent un rôle en fait considérable, les premiers moteurs. Après, il y a ce problème de l'immixtion de l'OTAN, dont Nicolas Sarkozy ne veut pas. Nicolas Sarkozy voulait un couple franco-britannique. Et manifestement, les Britanniques se sont vite rappelés à leur tropisme américain. Et donc c'est l'OTAN qui a pris la main. Et donc les Français ont eu un rôle moteur, parmi les premiers, on va dire. Mais ils ne sont pas les premiers, ce ne sont pas eux qui mènent les opérations, c'est l'OTAN. La voix de la France compte beaucoup, parce que c'est le premiers, je crois, contributeurs. Mais les Américains réservent, c'est le fameux leadership from behind, où en fait, par la voie des ravitailleurs, par la voie de différents matériels indispensables à mener la campagne, en fait, ils tirent les fils. Vous parlez de livraison d'armes faites par la France aux islamistes pendant ce conflit libyen. À ce moment-là, les autorités françaises agissent en connaissance de cause parce que la menace islamiste, elle ne date pas d'hier, elle est antérieure à ce conflit en Libye. Alors, pour être très précis, l'état-major des armées vous dirait que livraison d'armes, il y a eu aux Libyens, aux rebelles libyens, bien sûr, pas aux islamistes. Il se trouve que parmi les rebelles libyens, ceux qui étaient les plus efficaces du point de vue militaire, il faut le dire, c'était les islamistes, ex-fondamentalistes du groupe GICL, qui a été un des premiers contributeurs d'Al-Qaïda, hein, il faut dire les choses un peu clairement. Maintenant, il a été jugé de la part des militaires et des politiques que ces islamistes, à cette époque-là, ne représentaient pas un danger majeur. Oui, enfin, c'est ce qui se passe toujours, en tout cas dans les guerres modernes, les guerres d'intervention. Aujourd'hui, on voit quand même que Daesh est installé, pas qu'en Syrie, mais aussi en Irak, à Mossoul notamment, et entre autres. Et on s'aperçoit que des interventions occidentales sur ces terres-là, eh bien, construisent peut-être, même certainement, le terreau de cet islamisme-là. Et on retrouve ça, parce qu'aujourd'hui, en Libye, les islamistes sont aussi... C'est là leur terrain, je vais pas dire terrain de jeu, surtout pas, mais là leur terrain d'action, quand même. Alors, une fois de plus, pour être très clair, je dirais pas que ça constitue, ça contribue, ça alimente ce fléau djihadiste terroriste. Certains, ces interventions créent un tourment, créent un chaos dont elles profitent comme un cancer. Elles viennent, évidemment, viennent toujours s'installer sur des zones déstabilisées, donc une intervention évidemment extérieure déstabilise cette zone. Maintenant, je suis toujours très réservé, très, comment dire, compatissant à l'égard de nos autorités politiques. Ce sont des décisions très très difficiles à prendre, le déclenchement d'une guerre. Et vous avez un parallèle quand même qui est tout à fait sidérant entre la Libye et la Syrie. On intervient en Libye, il y a le chaos. On n'intervient pas en Syrie, il y a le chaos. Donc ça relativise beaucoup les interventions des uns et des autres. Faut-il intervenir, ne faut-il pas intervenir? Moi, je suis toujours très pondéré et mesuré à l'égard de nos autorités. Alors, intervenir ou pas, parfois au nom de ce qu'on appelle le droit d'ingérence. Alors le droit d'ingérence, ça fait débat encore aujourd'hui. On va écouter une conscience française, Robert Badinter, qui parle justement de ce droit d'ingérence. Écoutez, c'est vraiment intéressant. Je suis très prudent quand il s'agit de ce que l'on appelle le droit d'ingérence. Je considère que ce n'est pas une bonne dénomination, que ça n'a jamais été reconnu, que le terme de droit d'ingérence met hors de soi la quasi-totalité des pays du tiers-monde, parce que ce qu'ils disent, c'est que sous couleur de droit d'ingérence, le droit de m'ingérer dans les affaires d'autrui, cela n'est qu'une dialectique du fort au faible, une sorte de politique de la canonnière moderne, et qu'on n'a jamais vu quelqu'un dire nous allons exercer le droit d'ingérence à l'encontre de la Chine pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exactions ou de crimes commis au Tibet, pas plus qu'on oserait le faire encore maintenant en Russie. Donc l'idée du droit d'ingérence, j'ai le droit de m'ingérer dans les affaires d'autrui, est à mon avis un concept qui n'est pas celui qui doit être utilisé. On devrait dire droit d'ingérence humanitaire, d'ailleurs. Mais comme vous me disiez au départ que c'était pour éviter un massacre en Libye, je remets ça sur le terrain du droit d'ingérence humanitaire. Que pensez-vous de ce que vient de dire Robert Badinter? Alors, c'est une conscience que je respecte tout à fait. Moi, je ne fais que me fier à ce qui est voté ou non. Le droit d'ingérence, entre guillemets, la responsabilité de protéger, a été voté par l'ONU en 2005. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été voté par le Conseil de sécurité, mais par l'Assemblée générale, donc ça lui donne une valeur un peu moindre. Maintenant, c'est aux États d'examiner et de se mettre d'accord sur ce qu'ils ont voté ou non. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. My collar to the cold and damp, where my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence. L'intervention de la France en Libye avec notre invité Jean-Christophe Notin. Vous avez travaillé sur les interventions françaises, pas seulement en Libye, mais aussi en Afghanistan et au Mali. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le Mali, parce que c'est aussi intéressant, le Mali. Donc ça fait partie du bilan de François Hollande, le Mali. Hein. Je voudrais savoir quels ont été les bénéfices et quels sont encore les bénéfices de cette intervention. Sur le terrain, vous voulez dire? Sur le terrain, pour si on intervient au Mali, c'est pour lutter contre les islamistes. On est bien d'accord. Est-ce que c'est efficace? Comment ça fonctionne? C'est ce qui est redoutable avec ces opérations, c'est évidemment la durée, le temps qui passe. Ça a été très efficace sur la première année, on va dire. Il est évident que les islamistes avaient été, non pas éradiqués, mais enfin largement éliminés et repoussés surtout hors des frontières de la Libye. Donc le Mali avait bien été libéré, ça avait été l'objectif premier donné par François Hollande. Maintenant, avec les années qui passent, forcément, ces groupes reviennent, se réinfiltrent, se remettent au milieu de la population. Et donc, on se retrouve avec des problèmes qui peuvent prendre de plus en plus de consistance et de reposer à nouveau un problème de qu'est-ce qu'on va faire au Mali. Et en Afghanistan, là, alors que c'est plus cadré, hein, parce que là, la France n'est pas seule en Afghanistan, son intervention, encore une fois, dans le cadre de ce qu'elle pouvait faire, a été efficace également. Alors la France en Afghanistan, elle avait quand même un rôle assez accessoire. C'est pour ça que je vous dis ça, mais... On a tenu une petite zone de Kaboul, et donc la fameuse Kapisa sur Obi, c'était une petite zone de passage de fondamentalistes. Mais c'était un rôle très subalterne en comparaison de l'investissement de l'OTAN, de l'Amérique, et même des Anglais, voire même des Allemands. On avait quand même un rôle relativement mineur. Au bout du compte, comment est perçue la France aujourd'hui dans sa capacité à peser sur les affaires du monde ? Est-ce que c'est une petite grande puissance, une moyenne puissance? Qu'est-ce que c'est la France aujourd'hui par rapport à sa capacité militaire? Alors je crois que le Mali est le très bon exemple. Les Américains ont été estomaqués, j'en ai le témoignage quasiment toutes les semaines. Des chercheurs me demandent mais comment les Français ont fait cette opération. Maintenant les Américains ont évidemment conscience que le Mali est un petit pays. Ça a quand même été une opération importante, mais quand même très mesurée. C'est 5000 hommes. Oui. C'est quand même pas le débarquement en Normandie. Donc tout ça est très mesuré. Donc la France apparaît comme une puissance encore militairement première, mais évidemment sur des conflits de moindre importance que la Syrie-Irak. La France sera incapable de résoudre seule la Syrie-Irak. Bien, merci infiniment Jean-Christophe Notin. Je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur notre guerre en Libye, chez Fayard. C'est une somme, hein, c'est une somme de 573 pages. Voilà, donc bonne lecture à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'intervention française en Libye, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.